الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد on arrive donc au point 66 بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل وإذا سمعت الرجل الرجل يتعالى على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. L'auteur rahimahullah dit, et lorsque tu entends la personne qui s'exprime mal, qui parle mal sur les textes et qui ne les accepte pas, sur les traces, ou bien qui réprouve une ou dément une des informations, quelque chose parmi les informations provenant du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors fattahimu al islam, c'est-à-dire stuhma, c'est le fait de d'accuser, hein, accuse l'islam de la personne, comme quoi elle a un islam qui est étrange, car c'est une personne qui a une voix et une perception des choses et une parole qui est mauvaise. Radi, c'est quelque chose de mauvais. Voilà yut'an, on utilise aussi pour les fruits, etc., qui veut dire pourri, mauvaise qualité. Voilà, on ne peut pas s'exprimer mal sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou sur ses compagnons, car nous avons connu Allah, nous avons connu son messager, nous avons connu le Coran, et nous avons connu le bien et le mal, nous avons connu la vie mondaine, et la vie dernière, à travers les textes qui ont été rapportés. Et le Coran a plus besoin de la sunnah que le sunnah n'a besoin du Coran. Un char explication. Qawluhu. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. Donc, première partie, je répète, quand tu entends quelqu'un qui parle mal, qui s'exprime mal sur les textes, sur les traces, il ne les accepte pas, il les réprouve ou il les dément, quelque chose qui est venu du messager صلى الله عليه وسلم, donc accuse son islam. لأن من معنى شهادتي أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Parmi le sens du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de lui obéir quand il l'ordonne, de déclarer véridique quand il l'informe, de s'éloigner ou de délaisser ce à propos de quoi il a interdit et il a posé des restrictions, et de n'adorer Allah qu'à travers ce qu'il a légiféré. هذا معنى شهادتي أن محمدا رسول الله. Voilà le sens يتمنىش كمحمد المسجد الله والله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Donc Allah dit dans le Coran, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 7. Et il dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 59, il dit, ô vous qui avez cru le sens, ô vous qui avez cru, adorez Allah, obéissez à Allah et obéissez au messager. Le wajibu ala al-muslim an yamtathila ma ja'a fil hadith an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation qui incombe aux musulmans, c'est de se soumettre et d'appliquer ce qui est venu dans les hadiths du messager, alayhi salam. Liannaha al-wahyu al-thani ba'd al-Qur'an. Car c'est la deuxième révélation après le Qur'an, la sunnah. Lianna usul al-adillati fil islam al-mujma' alayha. Lianna usul al-adillati fil islam al-mujma' المجمع عليها أولا القرآن ثانيا السنة النبوية ثالثا الإجماع. Donc il dit, car les sources sur lesquelles il y a unanimité, d'où tu vas tirer ta religion en islam, sur lesquelles il y a unanimité, c'est le Coran, la première, la deuxième c'est la sunna, la troisième c'est le consensus, et il y a une divergence sur al-qiyas, qui est l'analogie, la mesure. هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط ولا استدل بالسنة كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم. Donc ces preuves là ou ces paramètres là, ces trois sources là qui sont le Coran, la Sunna et l'unanimité, quand il y a consensus, ce sont des preuves qu'on peut pas laisser de côté. Quelqu'un ne peut pas dire moi j'utilise que le Coran, la Sunna je n'ai rien à faire avec, comme certains disent. comme le disent les Khawarij et ceux qui ont pris la même voie qu'eux. Ils disent le Coran, il est mutawatir, c'est-à-dire qu'il est d'une authenticité qui est certaine. Ma'asum min al-khalal, il est déchu de toute erreur ou de toute incapacité ou erreur. Ils disent la sunna, c'est les rapports des rapporteurs. C'est des gens qui ont rapporté les paroles du messager. C'est-à-dire que peut s'insérer dans la sunna des amoindrissements, des faiblesses, des erreurs, des fautes, des changements, etc. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة. Il dit donc, ça, ceux qui disent ça, c'est une accusation à toute la nation, aussi bien aux savants, aussi bien aux compagnons, aussi bien aux successeurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons, qui nous ont transmis ces informations. Le fait de dire ça, ça voudrait dire que tu considères toutes ces personnes-là comme étant des gens qui ne sont pas de confiance. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يقول بقوله يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. Donc il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même a informé de cela. Il a dit, peu il ne s'en faut que vous voyez un homme, Shab'an, c'est-à-dire il s'est rassasié, il a mangé jusqu'à se rassasier. Il est muttaki ala arikatihi, il est allongé ou accoudé sur un canapé, sur un divan, l'arika. C'est là d'où vient le mot, le jam' araik, que vous trouvez dans le Coran. Muttakiin ala araik. Yaqul, il dit, donc cette personne elle dit, entre nous et vous il y a le Coran. Le livre d'Allah. Ce qu'on trouve dedans de halal, c'est halal. Ce qu'on trouve dedans de haram, c'est haram. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité ce hadith, il a dit ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'ah. Hadith rawahu Ahmad fi al-Musnad wa Darimi fi sunanihi wa Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidhi fi sunanihi wa Ibn Majah fi sunanihi wa Ibn Hibban fi Sahih al-Hakim fi al-Mustadrak al-Sahihain wa ghayruhum 'an al-Miqdam Ibn Ma'di Karib qala al-Tirmidhi hasan al-Gharib wa qala al-Hakim isnaduhu sahih. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin de ce hadith, on m'a donné le Coran et son équivalent avec lui. Son équivalent, il parle de la sunna. Wa qala alayhi salatu wa salam, nabbara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa ballaghaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw 'amin sami'in. Rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad wa Ibn Majah wa Ibn Abi 'Asim fi Sunan Ibn Hibban fi Sahih wa ghayruhum 'an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa sahahahu al-Busiri. Donc il dit que hadith hada nadar Allah min al-nudra, qu'Allah illumine. Nadar Allah mra'an wujuhun yawma idin nadira bid-dad. Hein? C'est ça. Ça veut dire des visages illuminés. Allati fiha nudra. Nadar Allah mra'an, qu'Allah illumine le visage de quelqu'un. Sami'a maqalati, qui a entendu ma parole. Fa wa'aha, al-wa'i, c'est comprendre la chose. Hein? Wa'aha, il a compris la chose, il l'a absorbée. Wa ballagha, il l'a transmise. Kama sami'aha, comme il l'a entendu. Farubba muballighin aw'a min sami'. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui tu vas la transmettre qui a plus de compréhension que celui qui l'a entendu. C'est-à-dire un compagnon qui a entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam une parole et il la transmet à un autre compagnon. Peut-être que cet autre compagnon, il va avoir plus de compréhension de ce hadith-là que la première personne qui l'a entendu du messager. Comme tout le ma'na. Rubba muballagh. Muballagh, c'est celui qui reçoit l'information. Aw'a min sami'. Aw'a, c'est un superlatif. C'est ismu tafdil. Aw'a min sami'in, que quelqu'un qui l'a entendu. Wa qala alayhi salatu wa salam lamma khataba fi 'Arafata liyuballighi ash-shahidu minkum al-gha'iba. Rawahu al-Imam Ahmad ibn Majah ibn Abi 'Asim fi as-Sunnah ibn Hibban fi sahih wa ghayruhum. La athani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim 'an Abi Bakr radhiyallahu 'anhu. Donc ça c'était fi Hajjat al-Wada', dans le pèlerinage d'adieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à la fin de son serment, il a dit que celui qui est présent transmette à l'absent. Shahid, celui qui est présent transmette à l'absent. Falladhi sami'a yuballighu 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a entendu qu'il transmette de la part du messager. Hadhihi amana qama biha ruwat al-hadith wa rijal al-hadith. Jazahumullahu khayran. Il dit, voici un dépôt qui a été bien entretenu et bien pris par les rapporteurs de hadith et les hommes du hadith, jazakumullahu khayran, qu'Allah les récompense en bien, ils ont sanu min as-siyana, ils ont pris soin, ils ont protégé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam an ad-dakhil wal kadhib, de toute chose qui pourrait s'insérer ou de tout mensonge qui pourrait y pénétrer. وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة. Ils l'ont transmis filtré et propre comme elle a été rapportée du messager صلى الله عليه وسلم avec le plus grand des respects, le plus grand des dépôts. أمانة. وهذا من معجزات هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. Ça fait partie des miracles de ce messager. فالسنة ليست محل توقف أو اتهام. Il dit la sunna, c'est pas un domaine où c'est que tu dois t'arrêter, tu dois dire moi je prends rien pour être sûr de ne pas avoir d'erreur ou des choses qui seraient mensongères, ou ittiham, ou bien des accusations. Bal yajib at-tasdiq biha, il faut y croire impérativement et fermement. Wa yajib al-amal biha, il faut œuvrer à travers elle conformément à ce qu'il y a dedans. Kama yajib al-amal bil Qur'an, tout comme il est obligatoire d'œuvrer selon ce qu'il y a dans le Qur'an. Li'annaha wahyu min Allah, car c'est une révélation provenant de la part d'Allah. Qala ta'ala fi haqq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah dit à propos de la sunna, il dit à propos du messager, il dit, il ne prononce pas, il ne parle pas, il ne s'exprime pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Sourate 53, versets 3 et 4. Fal ahadith wahyun min Allah wa in kanat alfadhuha min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, les hadith, c'est une révélation provenant de la part d'Allah, même si les termes sont prononcés par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alfadh, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui choisit l'alfadh. Mais الوحي, le sens, il vient du hadith. أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. Par contre, le Coran, ce sont les paroles d'Allah, aussi bien le sens qu'aussi bien les termes. أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا ينطق عن الهوى. فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق. Donc il dit, les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, elles sont معصومة, elles sont déchues d'erreur. Elles sont infaillibles, wa sidq, et elles sont véridiques. Wa la yatatarraqu ilayha shakkun. Faut pas avoir un doute quelconque à propos de cela. Faman ankara as-sunnah fa innahu kafir. Celui qui dément la sunna, ou dit il n'y a pas de sunna, on n'accepte pas la sunna, kada, il sort de l'islam. Liannahu attala al-asl ath-thani, car la deuxième des sources sur laquelle il y a unanimité, il l'a mis en suspens, hein, attalaha. Wal Qur'an la budda lahu min as-sunnah. لأنها تبينه وتوضحه. Il dit, le Coran a impérativement besoin de la sunna à côté de lui, car le Coran, il vient clarifier et éclaircir. La sunna, elle vient clarifier et éclaircir ce qu'il y a dans le Coran. Allah dit dans le Coran, surat 16, verset 44. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن. لأن القرآن جاء بأشياء مجملة. مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام. Il dit le Coran, il est venu avec nombre de choses qui n'ont pas été détaillées. Elles sont venues en général, comme la prière, comme la zakat, comme le pèlerinage, comme le jeûne. As-sunna bayyanatha wa waddahatha. As-sunna est venue clarifier ces choses-là en détail. Wa bayyanat az-zakata wa bayyanat az-zakata wa maqadiraha. La sunna est venue clarifier la zakat. Elle est dans quatre domaines. Zahab al-fidda wa kada wa kada. Et également, à partir de quand tu sors la zakat? Miqdar. Maqadiraha, c'est le pluriel de miqdar. À partir de quelle somme? À partir de combien d'or, de grammes d'argent, etc. Elle est venue clarifier tout ça. Wassiyam, mata yabdaou wa mata yantahi. Assiyam, ramadan. Quand il commence, quand il termine, à travers quoi on commence le jeûne, à travers quoi on termine, etc. Oumana, c'est qu'al hajj, kayfa yahujjul insan. Les rites du pèlerinage. Comment la personne doit faire ses rites? Du pèlerinage. قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit pendant le pèlerinage, prenez vos rites de moi-même. Prenez vos rites de moi-même. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم à propos de la prière, priez comme vous m'avez vu prier. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et il dit, Allah dit dans le Coran, certes vous avez dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre. فالسنة, سورة 33 verset 21. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه. Donc la sunna clarifie le Coran. وَالَّذِي يَقُولُ أَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَلَا أَعْمَلُ بِالسُنَّةِ كَذَّابِ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآنِ لِنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَفِيهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَفِيهِ وَتُوَضِّحُهُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَمَّا تَرَكَ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآنِ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ. Donc celui qui dit que moi j'applique que le Coran et je n'applique pas la Sunna, c'est un menteur. Pourquoi? Car il n'aura appliqué ni le Coran ni la Sunna, parce que le Coran lui-même contient des ordres ordonnant de revenir vers la Sunna du messager. Ce que le messager vous a donné, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Sourate 59 verset 7. Dans un autre verset, sourate 53 verset 3 et 4, il ne prononce pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation qui lui a été révélée. Sourate 16, verset 44. On a le verset suivant. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Donc celui qui délaisse l'application de la sunna aura délaissé automatiquement l'application du Coran, malgré qu'il prétend appliquer le Coran. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول الحديث متواتر يفيد العلم والحديث الأحاد يفيد الظن. Et d'autres personnes encore, ils acceptent la sunna mais pas l'absolu. Ils disent les hadiths qui sont d'une authenticité certaine et qui ont atteint le plus haut degré d'authenticité, mutawatir. Donc cela, on les prend. Et les hadiths qui sont tous ceux qui n'ont pas le degré de mutawatir, ils restent dans le cadre de al-ahad, dans mustalah al-hadith. Donc ils disent yufid al-dhan. Ils disent donc c'est probable. Peut-être il s'est passé, peut-être c'est pas passé. On n'est pas sûr, on laisse tomber. Wahada batil. Le cheikh dit ça, c'est complètement faux. C'est contraire aux règles qu'ont établies les savants. Lianna kulla ma sahha an al-rasoul. Toute chose qui est rapportée du messager sallallahu alayhi wa sallam, rapportée authentiquement, elle sera considérée comme étant une information certaine. Que ce soit mutawatir ou bien ahad, c'est-à-dire que ce soit d'une authenticité qui atteint le plus haut degré ou bien moindre que cela. Tant que c'est authentique, c'est bon. فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas différencier entre dalalat. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des degrés d'authenticité, mais il ne faut pas différencier entre dalalat en disant que je ne prends pas ce hadith-là parce qu'il est yadullu ou yufid al-dhan. C'est quelque chose de probable qui n'est pas certain. والكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. Il faut appliquer tout sans différencier. Et vous savez que le Bukhari, il a commencé son sahih par un hadith qui est ahad et il a terminé son hadith. Sont sahih par un hadith qui est ahad. Le hadith 1, c'est le hadith de Omar, hein, sur la niyat. Et le dernier hadith, c'est hadith kalimatan et khafifatan al-lisan, hadith de Abi Huraira. C'est deux hadiths qui sont ahad. Dans plusieurs chaînes, il y a trois ou quatre chaînes, il y a un rapporteur à chaque fois qui a rapporté de l'autre. Donc c'est des hadiths qui sont ahad. Les soufis, aïdan, la ya'malouna bis sunnah, wala bil Qur'an. Les soufis, il dit donc, les soufis n'applique pas la sunna et même pas le Coran. إِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِأَذْوَاقِهِمْ وَمَوَاجِيدِهِمْ. Mais ils appliquent l'adhwaq. Ça vient de dhawq. Et mawajid, je l'ai souligné pour vous confirmer, inshallah, là, ça doit venir de l'wijdan, c'est-à-dire de ce que tu ressens. Hein? Ça va dans le même sens. Adhwaq et mawajid, c'est-à-dire ce que tu ressens. Tu as ressenti telle chose, tu l'appliques. Adhwaq, dhawq. Quand tu manges un. Qu'est-ce que tu manges, toi, comme sandwich? Hein? Un sandwich, c'est le dhawq. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens, le goût. Hein, si tu sens cette chose-là bien. Comme ils disent, sahab, tablir, là, tu goûtes le miel, ou là, je sais pas comment ils disent. وَيَقُولُونَ نَحْنُ نَأْخُذُ عَنِ اللَّهِ مُبَاشَرًا. Donc, ils disent, nous, on prend directement d'Allah. وَلَا نَأْخُذُ عَنْ طَرِيقَ الرَّسُولِ يَنَّنَا وَصَلْنَا إِلَى اللَّهِ فَلَسْنَا بِحَاجَ إِلَى الرَّسُولِ. Donc, ils disent, eux, on prend d'Allah directement. Eux, ils disent, on prend d'Allah directement. On prend pas du messager. Car, on est parvenu à Allah. On n'a pas besoin du messager. وَإِنَّمَا الرَّسُولُ لِلْعَوَامِ الَّذِينَ مَا وَصَلُوا إِلَى اللَّهِ. Ils disent, le rasoul, le messager, c'est pour la masse des gens. Ceux qui sont encore loin d'Allah, qui ne sont pas atteints ce niveau élevé. وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ وَأَفْضَحِ الْكُفْرِ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. Il dit, et ça c'est parmi les choses les plus, les catastrophes les plus grandes qu'ils ont, et la mécréance la plus afdah. Quelque chose, afdah, c'est quelque chose... Ouais, voilà, là qui est ridicule. Qui leur fait le plus honte et qui les ridiculise le plus. Wal'idhu billah. Qawluhu aw yunkiru shay'an. Ou bien quelqu'un qui blâme. Ou bien qui rejette quelque chose de la sunna du messager ou de ses informations. Alladhi yunkiru sunna umuman ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن أو ينكر بعض السنة بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة يقول لا يعمل بها وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن. Donc il dit les gens ils sont divers طوائف. Il y en a qui disent que on n'applique pas la sunna, on n'applique que le Coran. Il y en a qui utilisent, comme on a dit avant, certains degrés comme le mutawatir et tout ce qui est ahad, ils ne le veulent pas. Et la grande partie de la sunna, elle est ahad. Le mutawatir, il est très minime. Et d'autres encore qui disent, on applique le hadith à une condition, qu'il soit en concordance avec le Coran. Tout ça, c'est faux. واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن. لا تنتخن accuser le messager d'avoir amené quelque chose qui est en non conformité avec le Coran. فهذا القول لا يجوز. Cette parole-là est interdite. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن. Il y a des choses qui sont venues dans la Sunna qui ne sont pas citées dans le Coran. مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. Comme le fait de se marier avec l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante maternelle ou une femme et sa tante paternelle. هذا ليس في القرآن. Le Coran فيه النهي عن الجمع بين الأختين. Le Coran il contient l'interdiction de se marier avec deux sœurs en même temps, deux sœurs en même temps. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. Il faut appliquer ce hadith là et ne pas se marier avec une femme et sa tante maternelle, une femme et sa tante paternelle, et ne pas dire dans le Coran Allah il a interdit de réunir deux sœurs en même temps, donc je réunis pas deux sœurs en même temps, et c'est tout. قوله فاتهموا على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. Ce type de personne là accuse son islam et c'est une personne qui a une voix et une parole qui est mauvaise. قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة. Ce type de personne-là, soit il fait partie des Khawarij, soit il fait partie de Al-Jahmiya, de Al-Mu'tazila. Ou même, il y a un soufi qui dit qu'on n'a pas besoin des hadiths. On a une autre source plus rapide. Il y a un soufi qui dit qu'on n'a pas besoin des hadiths. Ils disent donc, vous prenez du mort qui a pris du mort. C'est-à-dire que, Rouat al-Hadith, tu parles de Bukhari, tu parles de Muslim, tu parles de Malik, de Shafi'i, de Fulan, de Allan, tout ça, ce sont des ulama ou des Rouat al-Hadith qui sont décédés, ils sont tous morts. Donc eux ils disent, vous prenez du mort, qui a rapporté du mort, qui a rapporté du mort, alors que nous on prend du vivant qui ne meurt pas, c'est-à-dire Allah. Qawluhu wa la yut'an ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la ala ashabihi. Donc il ne faut pas parler mal ou s'exprimer mal le messager, sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ni sur ses compagnons. لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا. Donc on ne peut pas parler mal sur le messager صلى الله عليه وسلم car il est déchu d'erreur de la part d'Allah. فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. Donc celui qui accuse le messager صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيه وأنه عنده هوى ou bien que le messager il aurait passion وأنه يحيف أيضا ça je vous confirmerai يحيف c'est-à-dire qu'il esquive la chose il s'écarte de la chose il esquive la chose يحيف عن الحق وأنه يظلم qu'il est injuste etc tout ça c'est de la mécréance la personne sort de l'islam فكذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله رضي عنهم ومدحهم il dit donc également celui qui parle mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il les a agréés et il a fait leurs éloges. Wa an-nabi radiya anhum wa madahahum wa athna alayhim wa hum khayrul qurun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de même. Et ce sont les meilleurs des générations. Qala sallallahu alayhi wa sallam khayrukum qarni. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu al-lafz lil-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les meilleurs d'entre vous sont ma génération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tasubbu ashabi. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit n'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme entre ses mains ou dans sa main. Si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas le mud, c'est-à-dire une poignée d'un d'entre eux, ni même sa moitié, ni même la moitié d'une poignée. قال قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى تحت الشجرة قال الشيخ تحت الشجرة شجرة البيعة في الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني صفتهم المذكورة في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. Donc Cheikh il a cité nombre de versets, sourate 9 verset 100, sourate 48 verset 18, sourate 48 verset 29. Versets là on les a vus yani, plusieurs fois, on va pas les traduire, je vais donner le numéro pour ceux qui veulent voir. Tout ça qui montre ces versets là, qui sont des exemples, il y en a d'autres encore, qui montrent le fait qu'Allah il agrée les compagnons à l'absolu. قوله لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. L'auteur رحمه الله dit que on a connu Allah, on a connu le messager, on a connu le Coran, on a connu le bien, le mal, la vie mondaine et la vie dernière à travers les textes. Et بالآثار التي رووها. À travers les textes qu'ils ont été, qui nous ont rapportés. وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. À travers les hadiths qu'ils nous ont rapportés du messager. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة. Donc celui qui parle là-dessus ou s'exprime mal là-dessus يطعن في الشريعة. Il parle mal sur la législation en elle-même. لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين. Donc il dit car ça fait partie des يعني ils disent que c'est des récits qui ont été rapportés par des rapporteurs qui sont mensongers sont menteurs et qui ne sont pas de confiance. وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين. Et il dit ça c'est le but ou ce que veulent atteindre les juifs et les majus, les adorateurs du feu. يدسون على المسلمين s'incrustent au milieu des musulmans. جماعة يسبون الصحابة. Ils incrustent au milieu des musulmans un groupe qui insulte les compagnons. وقصدهم أن يبطلوا الشريعة. Pour arriver à quoi à la fin? Comme quoi la législation elle ne tient sur rien. لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. Donc si jamais ils arrivent à prouver que yani les compagnons ne tiennent sur rien et que leurs récits ne tiennent sur rien, donc comme c'est les meilleurs de la communauté, فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. طعنهم في الصحابة من باب في غير الصحابة من باب أولى. يعني le fait qu'ils vont parler mal sur autre que les compagnons, voilà, sur les meilleurs. Donc le reste de la nation, c'est les meilleurs des gens, ils ont fait de telles calamités, comme ils disent. Donc dans ce cas-là, le reste de la nation, il est meilleur. Il y a un récit qu'a cité Cheikh Ibn Hussein Abad dans l'Aqid al-Qayrawaniya de l'imam Abu Mohammed Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Il cite que واحد من السلف إلى سيتي يدي ك الرافضة ils ont dépassé اليهود والنصارى في شيء كوا il a dit لو طرح السؤال على اليهودي تنتروج un juif من خير أمتكم c'est qui les meilleurs parmi vous ils vont dire أصحاب موسى si تنتروج النصارى من خير أمتكم ils vont dire أصحاب عيسى الحواريون les apôtres et si on pose la question الروافض من شر أمتكم qui c'est les plus mauvais de votre nation, ils vont dire Ashab Muhammad. Eux, les Yahoud et Nasara, ils reconnaissent que les compagnons de Moussa, ceux qui étaient avec leur prophète, c'est les meilleurs. Et ceux qui étaient avec Isa, c'est les meilleurs. Et Rawafid, ils considèrent que ceux qui étaient avec Muhammad, c'est les pires. Et l'athar fi hada, kathira. Il y a beaucoup. Regardez dans l'alakaï kitab, l'alakaï tabari, rahimahullah, sharh usul i'tiqad al-sunnah wal-jama'a, ou bien ibn Battal al-Ukburi, dans l'Ibana. Etc. Vous trouvez beaucoup de récits sur Fadl al-Sahaba, radiyallahu anhu. قوله يا إجماع أهل السنة يا إجماع كما لا رابورت الإمام الكرماني يا إجماع unanimité comme quoi les compagnons خير هذه الأمة بعد نبيها. قال قوله فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. حتى الشيخ ابن حسن العباد يكري أن يكري je l'ai vu عند الشيخ ربيع المدخلي sur un واحد من مشايخ السنة j'ai oublié son nom الأشقر سليمان الأشقر parce qu'il a trouvé dans un écrit que Suleyman al-Ashqar, il avait parlé sur un compagnon, Adon Abu Bakra al-Thaqafi. Et le cheikh il a dit, j'ai entendu ça, mes oreilles, mais j'ai considéré que c'était pas vrai. Hatta il a lu un article, où fi'lan, Suleyman al-Ashqar, faqahullah, il avait écrit quelque chose sur le compagnon Abu Bakra al-Thaqafi, il avait des arguments. Et le cheikh Ibn Hassan Abad, il a fait une réplique en 70 ou 80 pages, quelque chose comme ça. Donc, fadl al-Sahaba ma'loum. Al-Qur'an ahwaji lil-Sunnah, kama dhakarna, lian al-Sunnah, mubayyana wa mufassira, للقرآن. يدي القرآن a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Qur'an. car la sunna bien clarifiée. فهناك أشياء مجملة في القرآن بيّنتها السنة. des choses qui sont générales dans le Qur'an que la sunna vient clarifier. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها. الله il a parlé de la prière dans le Qur'an. il a pas cité le nombre de ركعات qu'elle avait. يعني quelqu'un يجاد في هذا الموضوع. les savants ils prennent tout le temps cet exemple parce qu'il est clair. Quelqu'un qui te dit kada ou kada, comme le fait Cheikh Al-Albani avec quelqu'un qui fait partie de la secte du Qur'aniyoun, ceux qui disent on prend que le Qur'an, il lui dit lève-toi et fais la prière devant moi en te basant sur le Qur'an. Madame, toi tu te bases que sur le Qur'an pour faire la prière. Le Cheikh il a dit salla salatan, il a fait une prière. Hatta al-akhbar lati waradat fil Qur'an, lam yuwafiq fiha shay, aw qilla minha. Ça veut dire que même sa prière, si tu raccordes sa prière avec le peu d'informations qu'on a dans le Qur'an, comme quoi il y a un tilawa, hein? comme quoi il y a une récitation dans le Coran, comme quoi il y a ruku', Allah dit warka'u ma'a raki'in, comme quoi il y a sujoud, etc. Il a dit la prière qu'il a fait n'est pas en concordance avec le peu d'informations qu'on a dans le Coran. Taïb, donc il dit il y a des choses qui sont dans le Coran qui ont été clarifiées par la sunna. Donc le Coran a parlé de la prière, mais il n'a pas cité combien de raka'at avait salat al-dhuhr. صلاه العصر صلاه المغرب صلاه العشاء صلاه الفجر صلاه الوتر اكسترا وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رايتموني اصلي اي سا سي لو ميساج صلى الله عليه وسلم كي لا مونتري quand il a prié il a dit priez comme vous m'avez vu prier rapporté par البخاري الحديث de مالك بن الحويرث رضي الله عنه الحج جاء مجملا في القران الحج il est venu général dans le Coran des versets qui citent le hajj une sourate complète qui est venue dans à propos du hajj mais les clarifications en détail elles sont venues dans la sunna wa wukila bayanuhu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam la clarification elle a été adonnée au messager alayhi salam hajja bil muslimina li hajjati al-wada' il a fait un pèlerinage qui est le pèlerinage d'adieu wa qala li ta'khudhu anni manasikakum il a dit prenez de moi vos rites c'est à dire comment regardez comment je fais faites la même chose ay ta'allamu min af'ali wa aqwali ma tu'adduna bihi manasikakum c'est à dire instruisez-vous à propos de mes paroles, à propos de mes actes et paroles, pour que vous sachiez comment on fait les rites. Wallahu jalla wa ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Surah 33 verset 21. Fa al-Qur'an muhtaj ila as-sunnah yatabayyanahu. Fa alladhi ya'khudhu al-Qur'an faqat yakunu qad qata'a al-Qur'an 'amma bayyanahu 'amma yubayyinuhu wa ma yuwaddihuhu. Celui qui prend le Qur'an seul, et le Coran, il a besoin de la sunna. Celui qui prend le Coran seul, il aura détaché du Coran ce qui est rattaché à lui pour le clarifier et l'expliquer. وَهَذَا هَدَفُ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرِ Ça, c'est le but de ceux qui ont pris la voie d'égarement et qui ont une déviation dans leur cœur. لِأَنَّ أَهْلَ الزَّيْرِ يَأْخُدُونَ بِطُرُقْ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَيَتْرُكُونَ الطُّرُقْ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه أهل البدع ils prennent une partie طرف c'est une extrémité ils prennent une partie des textes et ils délaissent l'autre partie ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه ce qui est clair ils le laissent de côté et ce qui est ambigu ou qui a besoin d'un autre texte pour l'éclaircir ils le prennent هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال il dit donc ça c'est la voie de أهل الزيغ طريقة المتعالمين متعالمين donc c'est ceux qui s'occupent de choses qui sont au-dessus de leur capacité des ignorants ceux qui prétendent la science, qui ne savent pas comment, quand tu prends un texte, comment de ce texte-là, tu sors l'hikam, tu sors les lois à travers ce texte-là. Qu'est-ce que tu veux prouver quand il y a deux textes qui se contredisent, par exemple, qawaid istidlal, c'est lequel tu fais primer en premier. Beaucoup de choses. فَيُحَرِّمُونَ وَيُحَلِّلُونَ دُونَ بَصِيرَ وَالْعِيدُ بِاللَّهِ. Ils interdisent, ils rendent telle chose haram, telle chose halal, rapidement comme ça, sans connaître. لِأَنَّهُمْ مَا سَلَكُوا الْمَنْهَجَ الْعِلْمِي وَإِنَّمَا تَعَلَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوْ عَلَىٰ كُتُبِهِمْ. Ils n'ont pas pris la voie d'instruction, la voie à laquelle tu gravis étape par étape, pour t'instruire et apprendre et avancer dans ton savoir. Mais il dit, ils se sont instruits eux-mêmes, rapidement comme ça, أَوْ عَلَىٰ كُتُبِهِمْ, ou bien sur leurs livres, أَوْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ فِي الْجَهْلِ, ou bien sur leurs équivalents dans l'ignorance. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب عز وجل جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهه عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم ونهو عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. Sans s'approcher, المؤلف رحمه الله dit الكلام والجدال والخصومة, fait de discuter, de débattre, de se disputer à propos du destin. Plus précisément, il y a toute la religion, mais plus précisément le destin, il y a une restriction à ce sujet-là chez toutes les fractions qui s'attribuent à l'islam. Car le destin, c'est le secret d'Allah. C'est-à-dire personne ne connaît son destin. Et Allah, il a interdit les prophètes, même les prophètes, de parler sur le destin. Il a interdit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de discuter à propos, ou de débattre à propos du destin. Et les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont détesté également cela, et ceux qui les ont suivis également, et les savants par la suite qui ont de la piété et qui se remettent en cause également. Et ils ont interdit, ils ont imposé des restrictions sur le fait de discuter et débattre à propos du destin. Donc il faut se soumettre et accepter, avoir la foi ferme et croire fermement que ce qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses. اعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. يعني est-ce que le message صلى الله عليه وسلم a cité, tu y crois fermement, et à propos du reste tu t'abstiens, tu te tais. الشرح, explication. من أصول الإيمان وأركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر. Parmi les fondements et les piliers de l'Iman, le fait de croire au destin. والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع. القضاء والقدر, le destin, la prédestination, c'est ce qu'Allah il a prédestiné à l'infini à l'avant comme événement qui allait se passer. Hawadith, pluriel du mot hadith, qui va se passer. Wa kullu ma yahduthu fa innahu lam yahduth i'tibatan. Tout ce qui se passe, ça ne s'est pas passé i'tibatan, par hasard comme ça, tout seul ça s'est construit. Aw duna sabiqati taqdir min Allah jalla wa ala. Ou bien ça s'est pas passé sans qu'il y ait de destin qui le prédestine. Bel Allah subhanahu wa ta'ala alima ma kana wa ma yakun. Allah il a alima ma kana wa ma yakun. Allah il a su ce qui s'est passé et ce qui va se passer fil mustaqbal, dans le futur. Thumma kataba dhalika fil lawh al mahfouz. Ensuite il a inscrit cela dans la tablette préservée. Fa awwala ma khalaq Allah al qalama qala lahu uktub ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه أبو داود في سننه والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى وصحه الضياء في المختارة ورواه بنحوه الطيالسي في مسنده والإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه والفيرياني في كتابه في كتاب القدر وابن أبي عاصم في السنة والأجر في الشريعة وغيرهم. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, quand On a déjà expliqué awwal à awwal. Vous vous rappelez de la règle? Amwatun ghayru ahya. Des morts qui ne sont pas vivants. Wa ma yash'urun ayyana yub'athun. Awwal, c'est la première chose. Vraiment le début d'une chose. Oui. Awwal, c'est pas forcément la première chose. Awwala, ben nasb, comme il a cité Cheikh ici, c'est hina. Tu veux traduire awwala, tu traduis par hina. Awwala ma khalaq Allah al-qalam. Quand Allah il a créé la plume, il lui a dit uktub. C'est-à-dire la première chose qu'Allah lui a dit quand il a créé la plume, est écrit. Elle a dit qu'est-ce que je dois écrire? Elle a dit écrit qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Si tu dis awwala ma khalaq Allah al-qalam, dans ce cas-là, ça voudra dire que la première chose qu'Allah il a créé, la première créature qu'Allah il a créée, c'est la plume. Donc ça a une énorme différence. Awwalu, ça voudrait dire que la première chose qui a été créée. Awwala, tu mets hina, tout simplement. Tu mets à l'instant où, lorsqu'Allah a créé la plume, il lui a dit, écris kada, et etc. Le Cheikh il a ramené ben nasb, donc ça veut dire... Ça veut dire hina, quand Allah il a créé la plume, il a créé. Wa kana khalqul qalam sabiqan li khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana. وكان عرش الله جل وعلا على الماء رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, hadith rapporté par Muslim, Allah a écrit le destin des créatures avant qu'il crée les cieux et la terre de 50 000 ans et son trône était sur l'eau. Donc Cheikh dit, la création de la plume a précédé la création de la terre, des cieux, de la terre de 50 000 ans. Et son trône était sur l'eau. ومن هنا أشكل على العلماء. De là, les savants ont eu un problème. هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش. Est-ce que, la grande question, c'est est-ce que le trône il était créé avant la plume ou la plume a été créée avant le trône. والصحيح وهو قول جمهور العلماء انظر بغية المرتاد الشيخ الإسلام بن تيمية والبداية والنهاية للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. الصحيح الشيخ دي الفوزان صالح الفوزان فقه الله دي صحيح فقول لا بلوس جوست أن العرش مخلوق قبل القلم et que l'arche il a été créé avant la plume. Et donc dans la marge on a c'est la parole de la majorité des savants. لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. Car lorsque Allah a créé la plume et lui a ordonné la première chose qu'il lui a dit, etc., le trône, il était sur l'eau. Le trône était déjà présent. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله dit dans النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمداني والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. انظر شرح النونية لابن القيم للعلامة بن عيسى. Donc il dit, les gens ont divergé à propos de la plume qui a à travers laquelle le destin a été écrit de la part de Dayan. Dayan c'est un des noms d'Allah, c'est-à-dire celui qui va faire les comptes. Malik Yawmi Din, Malik Yawmi Al-Hisab. Est-ce que la plume était avant le trône ou bien elle était après lui? Deux paroles auprès de Abil Ala Al-Hamadani. Hada adhan min at-tabi'in ou un peu après at-tabi'in. Allah a'lam les dates n'arrive hamch. Lakin il fait partie de salaf ba'd as-sahaba. Wal haqq, la parole véridique qu'a tranché Ibn al-Qayyim et beaucoup d'autres, c'est que le trône était avant. Il était avant quoi? Avant la plume. قبل الكتابة كان ذا أركان. Car le trône, avant l'inscription, avant qu'il écrive ce qui se passe, ce qui va se passer, le trône avait déjà ses piliers, c'est-à-dire était déjà existant. وكتابة القلم الشريف تعقبت. L'écriture de la plume تعقبت عقبة, c'est-à-dire après. Hein, elle s'est fait après. إيجاده من غير فرق زمان. L'écriture de la plume s'est faite après sa création, ta'aqabat ijadahu, après que la plume a été créée, elle a donc inscrit tout de suite, min ghayri farqi zamani, sans d'espace entre la création de la plume et son écriture. Hamtou le ma'na. compris l'essence des vers. طيب والكلام في القدر قد سبق ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. Donc il dit on a déjà parlé du destin auparavant, mais maintenant ce qui est voulu par la restriction c'est le fait الخوض فيه, le fait de parler à tort et à travers à propos du destin. قوله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن لأنه جحد ركن من أركان الإيمان. Donc il dit parler sur débattre à propos du destin, plus précisément une restriction à ce sujet-là. Le cheikh dit qu'on a parlé de croire au destin, bon soit-il ou mauvais, à travers ces différentes étapes. Qui c'est qui nous rappelle les étapes? Alors c'est Abbé ou Cheikh Dar, si vous êtes là avec quelque part. Il y a combien d'étapes déjà fait le qada ou le qadar? Il y a 4 étapes. C'est quoi la première? Al-ilm. Le fait qu'Allah il a su toute chose avant, à l'infini à l'avant. D'accord? La deuxième chose c'est quoi? Al-kitab. Donc c'est ce qu'on est en train de voir là maintenant. C'est l'inscription. Comme quoi le destin de chaque personne, chaque chose, etc. il a été inscrit. La troisième? Amen. Là, Al-Khalq, c'est la quatrième. Naam, Al-Mashi'a. Le fait qu'Allah il a voulu que telle chose elle se passe. Et la quatrième, c'est Al-Khalq. Le fait qu'Allah il a créé cette chose-là, il a créé cet acte-là, etc. Donc, c'est les 4 étapes. Donc, Cheikh parle ici, là. Bidarajatihi. Ça, c'est un des piliers parmi les piliers de Al-Iman. Celui qui ne croit pas au destin n'est pas croyant. Car il a rejeté un pilier parmi les piliers de l'Iman. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر. لماذا يعذب الله كذا؟ لماذا يفعل الله كذا؟ كما سبق أنه لا يقال لما وكيف فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, faut pas débattre et se disputer à propos du destin. Pourquoi Allah châtie tel peuple? Pourquoi Allah fait telle chose? Faut pas poser la question pourquoi ou comment. Faut pas contredire Allah ou s'opposer à lui. ولا تدخل في القضاء والقدر ولا تدخل في القضاء corriger ceux qui n'ont pas قضاء والقدر بالجدال. نعم لما وكيف تدي لم ايه لم صح. Donc au-dessus là c'est lima وكيف. Lima c'est pourquoi, وكيف c'est comment. فإنك لن تصل إلى نتيجة. Quelle que soit la personne avec qui tu discutes, et quel que soit le degré de science qu'il a ou degré d'ignorance qu'il a, et quelle que soit la longueur de ta et ni la durée de ta discussion avec lui, il pourra pas te répondre à ça, tu n'obtiendras aucun résultat. عليك بالتسليم عليك التسليم والإيمان ولا تدخل في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. Donc il dit soumets-toi à cela et ne rentre pas dans des choses qui sont spécifiques à Allah. Il n'y a que Allah qui connaît ces choses-là. وَلَا تَنْتَهِي إِلَى نَتِيجَةٍ وَلِهَذَا يُقَالُ الْقَدْرُ سِرُّ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِذْكَارِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ قَدِيمًا الْقَدْرُ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تَنْظُرُ فِيهِ. Donc il dit القدر, le destin, c'est le secret d'Allah. فَسِرُّ اللَّهِ لَا يُدْرَكُ وَلَا يُحَاطُ بِهِ أَبَدًا. فَ c'est un harf. D'accord, c'est un harf. Fasirullah, donc le mot sir il est tout seul, il fa il est raccordé, mais c'est un harf, c'est pas un verbe fasir ou bien. Fasirullah la yudraku wa la yuhatu bihi abadan. Secret d'Allah, tu peux pas le cerner ou tu peux pas le cerner. Fala tadkhul fihi, ne rentre pas donc dans ce domaine. Alayka an tu'mina bima ja'a fi an-nusus min al-Qur'an wa as-Sunnah. Tu dois croire à ce qui est venu dans les textes, le Coran et la Sunna. Wa taqifa 'inda hadha wa tatawajjaha ila al-'amal as-salih wa tarki adh-dhunubi wal ma'asi. Tu dois t'arrêter à cela et tu dois te tourner vers les bons actes et délaisser les péchés. ولا تقول إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما علمت شيئا. Il ne doit pas dire si Allah il a prédestiné que je serai parmi les adeptes du paradis, je serai parmi les adeptes du paradis, même si je connais rien et je fais rien, même si je fais rien. إن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار فهذا كلام باطل. Et si Allah il a prescrit comme quoi j'allais rentrer en enfer, je serai en enfer. Khalas, je serai en enfer. Et Cheikh dit, ça, c'est des paroles qui sont vaines. Fala yajuzu ad-dukhul fi hadhihi al-umur. Inna hadha laysa min sha'ni al-ibad. Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Ça ne fait pas partie des spécificités ou des caractéristiques des créatures. هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل. هذا هو المطلوب منك. Donc il dit, هذا ليس من شأن العباد. C'est pas une idée des choses qui concernent ou bien qui ont une relation directe avec la créature. C'est pas lui de s'occuper de ces choses là, mais c'est Allah, il a prédestiné ces choses là. أنت من شأنك العمل. Toi, ce qui t'est demandé, ta fonction, c'est quoi? C'est d'œuvrer. Il y a une parole de salaf, ils disent قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. Les cœurs des pieux, ils sont attachés à قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. Ils sont attachés à leur fin. يقولون بماذا يختم لنا. Ils disent comment va être notre fin avant de mourir, comment ça va se passer. وقلوب المقربين, les cœurs des gens qui sont rapprochés d'Allah davantage. معلقة بالسوابق, c'est tout le contraire, ils sont attachés à au début. يقولون ماذا سبق لنا, ils s'interrogent qu'est-ce qui a été écrit sur اللوح المحفوظ, parce que ce qui est écrit sur اللوح المحفوظ c'est pas changeable, c'est-à-dire ce qui est écrit sur اللوح المحفوظ c'est ce qui va se passer. هذا هو المطلوب منك, c'est ça qui t'est demandé. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. Donc il dit rentrer dans le destin, t'es en train de rentrer dans Mataha, c'est comme le sens, c'est un... labyrinthe. C'est comme si tu rentres dans un labyrinthe et tu ne pourras jamais en sortir. Donc chez toutes les fractions, il ne faut pas rentrer dans ce domaine-là car c'est le secret d'Allah. عند جميع الأمم لأن القدر سر الله والسر لا يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وقال تعالى ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله عز وجل, عليك بشؤون نفسك وعليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة. اشتغل مع نفسك, أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون. وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل. هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. Donc il dit, il a cité deux versets, surat al-Baqara, surat 2 verset 255 et surat 20, Taha verset 110. Ils ne le cernent pas de, ils ne le cernent pas de leur savoir. Ne rentre pas dans ce domaine-là. Occupe-toi de ce qui te concerne et ce qui te regarde. Tu dois faire de bons actes, délaisser les interdictions et te repentir des choses mauvaises, et purifier ton livret, purifier tes comptes tant que tu es vivant. Occupe-toi de ta propre personne, ne t'occupe pas du destin. Pourquoi il y a eu telle chose, pourquoi il va y avoir telle chose, pourquoi il se passe telle chose. Si Allah m'a prescrit telle et telle chose, je n'ai pas besoin d'œuvrer. Tout ça, ce sont des paroles à tort et à travers, et n'ayant pas de valeur. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا. يعني بداية الحديث, les compagnons ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont dit ce qu'on est en train de faire, يعني, c'est quelque chose qui a été qui est écrit et qui est terminé, ou c'est encore يعني, changeable et rattrapable. في معنى كلامهم, فالـ prophète صلى الله عليه وسلم a dit non, c'est quelque chose qui a été écrit et terminé. فالـ ils ont dit أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. Il a dit qu'est-ce que tu penses, يعني, qu'on se repose sur ce qui nous a été écrit, madame, c'est écrit, c'est terminé, et on arrête d'œuvrer. Mais قدر لنا قال اعملوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit non, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Il a dit non, œuvrez, chacun va lui faciliter le chemin pour ce pourquoi il a été créé. فانزل الله تعالى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Allah il a fait descendre les versets suivants, surat 92, versets 4 à 10. Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. 1. Il a dit, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et l'autre, il a dit, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Hamoukallah. Hamtou. Donc, chacun sa part. قال فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها. Toi tu fais les causes. Soit tu fais les causes pour sauver ton âme, soit tu fais les causes pour la détruire. بأفعالك التي تفعلها باختيارك. et tout ça, wa iradatik, tout ça c'est des choses que tu fais de plein gré et avec pleine volonté. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kullu an-nas yaghdu fa mu'tiqu nafsahu aw mubiquha. Rawah Muslim fi sahihihi an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque personne, tous les gens, yardo, dans le sens, ils sortent de chez eux le matin, ils accourent à ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui vont sauver leur âme, et il y en a qui vont l'emmener à la perdition. Allah, il a interdit aux prophètes de parler sur le destin. Et ce qu'il avait dit avant, donc le firaq, ici, Cheikh Anis, ce qu'il a dit, chez toutes les nations, je ne sais pas si toutes les fractions. Wallahu alam. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا. C'est pas rapporté que les prophètes ils se seraient opposés au destin d'Allah. لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته. Car ils connaissent la valeur d'Allah réelle et sa grandeur et sa sagesse. ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا. Ils se soumettent et ils ont un bon caractère, une bonne manière d'agir avec Allah. ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. Il n'interroge pas à propos de quelque chose qui n'a pas de profit derrière. فالأنبياء لم يسألوا عنه وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا. Et les gens qui suivent réellement les prophètes également n'ont pas interrogé à ce sujet-là. إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. Donc les prophètes et leurs suiveurs, ils se sont tournés vers les actes. Ils ont œuvré, ils ont pris soin de ces choses-là, ils ont accordé de l'importance. Ils ne posaient pas des questions à propos du destin, si ce n'est pour y croire fermement. Croire au destin, yurihuka min ash-shukuk. Yurihuka, c'est-à-dire qu'il va te tranquilliser, il va t'apaiser des doutes, des choses que tu t'imagines et des tristesses qui peuvent te toucher. قال صلى الله عليه وسلم اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اصابك لم يكن ليصيبك سبق تخريجه من حديث عباده ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث هذا لفيد 40 رواه الترمذي اي dans une version la deuxième de l'imam Ahmad fi al-musnad فلا تقول donc le sens ce qui te touche ne pouvait t'éviter et ce qui t'a évité ne pouvait te toucher donc ne dis pas لو اني فعلت الا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في صحيحه. Vous voyez que la version c'est قدر الله. Beaucoup de gens disent قدر. Il y en a vu ça dans مختصر زاد المعاد ou l'akhkan ktab fit ta'liq l'taht, comme quoi la version qui est juste c'est qadarullah wa ma sha'a fa'al, c'est pas qadarallah wa ma sha'a fa'al, wallahu alam. C'est la même chose mais le terme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qul qadara, c'est un verbe, qadaru c'est un nom, ça veut dire tu dis qadarullah, tel est le destin d'Allah et ce qu'il a voulu il l'a fait, et tu dis qadarallah, ça voudrait dire Allah a destiné prédestiné telle chose et ce qu'il a voulu il l'a fait. On dit qadaru qadarullahi wa ma sha'a fa'ala, wallahu a'lam. طيب, dernière page, il dit non, c'est pas dernière page, mais ça non, deux pages. قوله نهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع. Donc tous les gens de piété, ils ont détesté cela, le fait de parler à tort et à travers sur le destin. Les prophètes, les compagnons, les savants, les successeurs, etc. لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار. Quand القدرية, la secte de القدرية, ils réprouvent ou ils affirment le qadr. Ils nient le qadr. Et à la fin de l'époque des compagnons, les compagnons ont réprouvé sur eux rudement. وحذروا منهم. Ils ont mis en garde contre eux. وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. Et ils ont clarifié comme quoi العبد, la personne, doit croire que ما أصابه لم يكن ليخطئه, que ce qu'il a touché ne pouvait ne pouvait l'esquiver. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Ce qu'il a esquivé ne pouvait le toucher. وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. Et que celui qui ne croit pas cela, Allah va le brûler à travers le feu. رواية قال عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي أبي ابن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكان رحمته لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه واللفظ له وصححه ابن حبان وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. Donc il dit cette personne là Abdullah ibn Fayrouz al-Daylami min al-Tabi'in, il a dit قال j'ai ressenti quelque chose dans mon intérieur à propos du destin, j'ai craint pour ma personne que ça bouleverse ma religion et etc. Je suis allé voir le compagnon Ubay ibn Ka'b min khiyar al-Sahaba ou min kibar al-Qurra, fait partie des grands lecteurs, des grands connaisseurs du Coran. J'ai dit ya Abel Mundhir, c'est sa kunya. Il a dit j'ai ressenti quelque chose à propos du destin et je crains pour ma personne. Parle-moi. La'alla, espérant qu'Allah yanfa'ani bihi, espérant qu'Allah me fasse profiter à travers tes paroles. Il dit si Allah châtiait les habitants des cieux et de la terre, il les châtierait alors qu'il ne serait pas injuste envers eux. Et s'il leur fait miséricorde, sa miséricorde est meilleure que leurs actes. Et si tu contiens, si tu disposes, tu as la propriété de l'équivalent de la montagne de Uhud en or, que tu dépenses dans le sentier d'Allah, ce ne sera pas accepté de ta part jusqu'à ce que tu crois au destin et que tu saches que ce qui t'a touché ne pouvait t'esquiver, t'éviter, et ce qui t'a évité ne pouvait te toucher. Et si tu meurs, il l'a mis en gras, si tu meurs sur un autre état que celui-ci, tu rentreras en enfer. Wala alayka, il n'y a pas de mal que tu ailles voir mon frère Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, donc min as-sabiqin al-awwalin, et que tu ailles lui demander cela. Donc il dit, je suis allé voir Abdullah ibn Mas'ud, il m'a dit la même chose. Et Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit, il n'y a pas de mal que tu ailles voir Hudhayfa ibn al-Yaman, et que tu lui dises la même chose. Il allait voir Hudhayfa ibn al-Yaman, et il lui a dit la même chose. Il lui a dit, Hudhayfa radiyallahu anhu, il lui a dit, il n'y a pas de mal que tu ailles voir Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, et que tu lui poses la même question. Il est allé voir Zayd ibn Thabit qui lui a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, si Allah, hadith qu'on a cité avant, et sauf qu'il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin de citation. Voilà. كلام هذا في كتاب التوحيد كما إلا سيتي الأخ وفقه الله في كتاب التوحيد باب رقم 59 شابيتر نميرو 59 selon les chapitres, puisque vous savez que dans كتاب التوحيد il y a combien de chapitres? 66 pour ceux qui ont mis un prologue et 67 pour ceux qui ont mis le prologue en tant que chapitre numéro 1. باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, il y en a qui l'ont mis en tant que chapitre 1, il y en a qui l'ont mis en tant que prologue, et le deuxième chapitre, ils l'ont mis en tant que chapitre 1. المهم قال هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم قوله فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. Donc il faut que tu te soumettes et que tu acceptes. هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر. تسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه. Tu ne dois pas t'opposer ou rejeter le destin. واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله. Si Allah fait quelque chose, c'est par une sagesse que sans doute tu n'atteindras pas. Et si il châtie quelqu'un, c'est qu'il était méritoire de cela. Il a fait des mauvais actes, etc. L'amoindrissement, le manque, le défaut, l'handicap, il est chez toi, toi, la créature. Au lieu de blâmer le destin, blâme-toi toi-même. وأنت توبة إلى الله يرحمتي توا الله فلا أحد يمنع من التوبة والله يقبل التوبة ممن تاب. Personne ne t'empêche de te repentir et Allah accepte le repentir du repentant. لماذا فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة. Donc pourquoi يعني tu t'obstines à quelque chose où tu n'as aucun intérêt derrière. فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي في سننه وقال غريب ابن ماجه في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit fait partie du bon islam de la personne de ne pas s'occuper de ce qui ne lui regarde pas. Rentre dedans le fait de s'occuper du destin. طيب قوله اعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. Tu dois avoir la pleine conviction ce qu'a dit le messager صلى الله عليه وسلم et te taire à propos de ce qui est autre que cela. أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى. Tu es ferme conviction sur ce qu'a dit le messager et ne parle pas sous l'effet de la passion. ولا تتهم الأحاديث. Ne dis pas ان الحديث contiennent ceci ou cela أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Ou bien tu as des doutes tant que c'est rapporté authentiquement. خلاص فليست مجالا للتردد. C'est pas c'est rapporté authentiquement et toi tu t'exposes encore à l'hésitation ou au doute. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah dit dans le Coran, surat 4, verset numéro 65, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. وقال سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et Allah dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant, en le sens, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Surat 33, verset 36 et surat 4, verset 65. وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْآيَاتِ فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد في جملة الأشياء يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه. Toute chose que les gens ont besoin, les messagers, notamment notre prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a transmis ce dont on a besoin. وأكمل الله به الدين ولا خير إلا دل أمته عليه. Il n'y a pas de bien sans que le messager il l'ait clarifié et il a orienté les gens vers lui. ولا شر إلا حذرها منه وتركها على البيضاء ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a laissé sa nation sur une voie blanche de nuit comme de jour, ne s'écartera de celle-ci que quelqu'un qui voit la perdition. Hadith rawahu al-imam ibn Majah wa ghayruhu. واسكت عما سوى ذلك. Tais-toi à propos d'autres que cela. هذا كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. Donc إن الله فرض فرائض. Allah il a rendu des choses obligatoires. فلا تضيعوها. Ne les laissez pas. Vous devez les faire. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. Il a rendu des choses interdites. Ne dépassez pas leurs limites. وسكت عن أشياء. Il s'est tué à propos de choses. رحمة بكم غير نسيان. C'est-à-dire il s'est tué, c'est-à-dire il n'a pas prononcé de hukm. Et c'est une miséricorde de sa part. Ce n'est pas un oubli. N'interrogez pas à leurs propos. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك. n'interroge qu'à propos de quelque chose que à propos de quoi tu as besoin aussi bien dans ta religion que dans ta vie mondaine. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث كنا في أفون. أما ما تحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول. أما ما لا تحتاج عنه فالسؤال عنه من الفضول. Donc il dit ce dont tu n'as pas besoin, le fait d'interroger à son sujet, من الفضول, c'est-à-dire c'est fait partie du superflu, de l'inutile. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit قيل وقال ceci et cela, يعني parler à tort et à travers, poser beaucoup de questions et إضاعة المال et le fait de gaspiller les richesses. فتكون أسئلتك بقدر حاجتك. Tu interroges selon ton besoin. ولا تسأل عما لا تحتاج. N'interroge pas à propos de ce dont tu n'as pas besoin. Peut-être certains savants, ils étaient interrogés sur des choses et ils demandaient au questionneur, est-ce que tel événement il s'est passé? S'il disait non, il lui disait, le jour où ça se passe, tu viendras poser la question. Dans le sens que, en train de poser des questions, à tort et à travers. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou demander quelque chose qui n'est pas compris? Sinon, on clôture, Inch'Allah. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم.